C'était d'avoir montré, dans l'aube qui sourit, l'homme beau par le glaive et plus beau par l'esprit. C'était d'avoir prouvé que cet être qui change sur son épaule d'homme a des ailes d'archange, qu'il peut s'épanouir demi-dieu tout à coup, et que lorsqu'il lui plaît de se dresser debout, son immense rayon mystérieux éclaire toutes les profondeurs de haine et de colère et leur verse l'aurore et les emplit d'amour. J'avais pensé que c'est pour accroître le jour, pour embraser le cœur, pour incendier l'âme, pour tirer de l'esprit humain toute sa flamme, que nos pères, français plus grands que les romains, avaient pris et tordu le passé dans leurs mains, et jeté dans le feu de la forge profonde ce combustible utile et hideux, le vieux monde. Je m'étais dit que l'homme avait soif, avait faim d'être une âme immortelle, et qu'il avait enfin su montrer et prouver sa divinité fière par l'agrandissement subi de la lumière et par la délivrance auguste des vivants. J'ai dit que ni les rois, ni les flots, ni les vents ne pouvaient désormais rien contre un tel prodige. Qu'on avait pour cela passé le Rhin, l'Adige, le Nil, l'Èbre et crié sur les monts « Liberté ».